Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et comme à l'habitude, je serai un des deux animateurs de cette belle émission. Ben, je dis comme à l'habitude, la semaine passée, j'étais seul, là, mon collègue Marc Bouchard, dont que je salue en même temps. Salut Marc. Salut mon chat, je vous ai pas trop parlé, là. J'attendais voir jusqu'à quel point tu étais pour me blâmer pour mon absence la semaine dernière. Non, non, je te blâme pas, je suis juste jaloux aller en Europe conduire des voitures, tu sais, je veux dire... bon, c'est ça. On peut dire que tous les chroniqueurs automobiles ne sont pas nés égaux, mettons. Mais bon, Marc, on a beaucoup de sujets cette semaine. On va parler justement de ton voyage en Europe. Tu as été essayer deux choses assez intéressantes. Mercedes-Benz Classic Cabrio 2017, puis la Audi S4 2018. Coudonc, qu'est-ce qui se passe chez Audi? On voyage dans le temps? On est très Non, ben, d'avance? ouais, c'est ça. On appelle ça un long lead, donc vraiment une présentation longtemps d'avance. L'idée, c'est que la voiture va être disponible pour les commandes à partir du mois de novembre ou à peu près, mais elle va commencer ses livraisons janvier ou février 2017. Donc, évidemment, on parle à ce moment-là d'une 2018. Il faut savoir cependant qu'en Europe, elle est déjà disponible dès cet été. Donc, c'est vraiment strictement une question purement administrative. OK, mais en Europe aussi, ça va être une 2018. L'année modèle ne Oui, change oui, pas. oui. OK. Bon, c'est quand même le fun. Tu as un char neuf vraiment pour 2 ans quand tu l'achètes en 2016. C'est quand même pas super. C'est intéressant. On va parler d'autres choses aussi. Moi, je vais faire aussi l'essai du Jeep Renegade. Et puis, tu vas nous parler de Mercedes-Benz qui s'en va vers aussi un plan d'électrification de sa flotte de voitures que tu as Ouais, vu quand tu il étais en appelle ça Europe. la route vers le futur, mon cher. La route vers le Road to the future. Pas retour vers le futur, mais route vers le futur. Et puis, on va finir, comme Exactement. d'habitude, avec des nouvelles et des choses comme ça. Mais pour commencer, tu veux nous parler d'une des voitures que tu as testées en Europe la semaine dernière. C'est le fun de dire en Europe, la semaine dernière. Tu voulais commencer par la Audi S4 2018. Oui, la Audi S4 2018, effectivement, qui est une voiture qui est, tu sais, elle reprend là où la A4 a laissé en termes de look et de style, c'est clair. Là, tu sais, on a renouvelé la A4, tu le sais. On a vraiment voulu reprendre ce style-là avec un capot qui est un peu plus musclé, qui a des dessins là, en forme de V à l'avant. Vraiment une grille qui est la grille particulière à Audi que l'on connaît bien. Évidemment, parce que c'est une S, il y a toutes sortes d'éléments aérodynamiques. Il y a aussi des roues particulières. Donc, c'est vraiment une voiture qui a... Tu sais, moi, j'ai dit que c'était un athlète en tenue de soirée, là. C'est vraiment une voiture qui a du charme, qui a du look, qui a de la gueule. Mais sous le capot, c'est un beau petit monstre. C'est-à-dire que c'est vraiment un véhicule qui est fait pour la performance. C'est ça, l'idée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le même moteur. Tu te rappelleras que les S, il y a quelques années, avaient sous le capot un moteur 8 cylindres. On avait abandonné ça pour un V6 auquel on avait greffé un compresseur volumétrique. Donc, c'était des supercharges. Maintenant, on a éliminé le compresseur volumétrique. On a mis un véritable turbocompresseur qui est un peu plus petit, qui est donc plus léger aussi en termes de poids. Et on a modifié considérablement le moteur V6 3 litres qui est en dessous du capot. Donc, ça permet d'améliorer, par exemple, les capacités de friction. Ça permet d'alléger certaines composantes. Tout ça pour être capable d'aller chercher quelques chevaux de plus. C'est-à-dire que l'ancienne version de la S4 affichait 333 chevaux. La nouvelle devrait être de 354. Je dis devrait parce qu'on n'a pas eu les données nord-américaines précises. C'est une conversion à partir de ce qui se fait en Europe. Donc, on parle de 354 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Ça déménage solidement. Quelque chose d'assez puissant quand même. Autre, oui, totalement. Autre détail, on a abandonné la transmission manuelle qui était disponible auparavant sur les S4 pour une boîte automatique à 8 rapports avec des palettes au volant, évidemment. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que comme la plupart des voitures de performance, on dispose d'un mode qui s'appelle le Drive Select dans le cas d'Audi. Donc, un mode qui te permet de choisir les modes de conduite, là, éco, sport, confort et tout ça. Et en mode Sport Plus, vraiment, la transmission répond avec une rapidité incroyable. Et c'est vraiment le fun de pouvoir changer les vitesses. OK. C'est une transmission double embrayage? Non, ce n'est pas un double Un embrayeur. simple C'est une embrayage, OK. automatique OK. standard. Ouais. OK, c'est bon, c'est bon. Évidemment, parce qu'on parle d'Audi, on parle aussi d'un véhicule qui est intégral. Donc, on a le célèbre rouage Quattro qui est de mise sur la Audi S4, mais on l'a un petit peu triché. C'est-à-dire que oui, c'est une intégrale, c'est-à-dire que oui, il y a de la puissance qui est transmissible aux quatre roues, mais dans les faits, on commence par envoyer 60% de la puissance aux roues arrière en mode normal. OK. Donc, il y a un biais vers l'arrière. Sauf que si jamais il y a une perte d'adhérence de quelque façon que ce soit, bien là, on peut transférer le poids, pas le poids, mais la puissance de l'avant vers l'arrière jusqu'à 85% une place ou l'autre. Donc, OK. c'est effectif en permanence, mais c'est avec un biais pour la propulsion, ce qui est régulier, je dirais, pour une voiture aussi performante qu'une Audi S4. Ouais, tu veux une propulsion plus qu'une traction avant dans ce type de voiture-là. C'est un Effectivement. fait. C'est un fait. Faut dire que la voiture que moi j'ai essayée était aussi dotée d'un différentiel sport qui est optionnel, mais on ne sait même pas s'il va être offert chez nous. OK. Et parce que, bon, ça, parce que comme on l'a dit, on est quand même plusieurs mois d'avance, donc on ne sait même pas si le différentiel sport va être effectivement offert au Canada. Même chose pour les suspensions adaptatives automatiquement. On ne sait pas si elles vont être offertes chez nous, mais elles étaient installées sur la voiture que j'ai testée là-bas, sur les routes de la région de Francfort et, je dois le dire, un petit peu sur l'autobahn. Oui, j'imagine que tant qu'à être en Allemagne. Oui, mais c'est parce que l'autobahn, il faut comprendre que c'est un système qui est super bien fait. Ce sont des autoroutes trois voies, jamais moins, avec un affichage électronique à peu près aux 2 km qui t'indique la vitesse maximale permise. Alors, ce n'est pas toujours illimité, là. Oui, dans certaines zones, ça l'est, mais dans d'autres, en fonction des conditions de la route, en fonction du trafic, en fonction de l'achalandage, en fonction de toutes sortes de facteurs, on peut diminuer la vitesse à certains endroits. Puis, comme je n'avais pas envie de devenir familier avec les policiers allemands, puis que mon allemand n'est pas très bon, j'ai tendance à suivre les indications qu'on me donne dans ce Ouais, c'est quand même pas si cas-là. pire. Alors, ouais. Mais j'ai quand même eu l'occasion de rouler une partie sur une limite sans limite de vitesse, sur une portion sans limite de vitesse. Pas très longue, ça m'a quand même permis d'atteindre un petit peu plus que 227 km/h OK. au volant d'une Audi S4 sur la route, en sachant qu'il n'y avait pas de voiture ni devant ni à côté, là. Ça s'est fait de façon sécuritaire. L'avantage, en fait, évidemment, on ne fera jamais ça ici, puis c'est bien correct, mais ça m'a permis vraiment de te dire que la nouvelle plateforme de la S4, elle est extrêmement rigide. C'est une voiture qui est très solide. Honnêtement, j'aurais pu conduire à deux doigts, littéralement, même à 230 km/h ou presque, et ça n'a jamais bougé. C'était d'une stabilité incroyable. Et l'avantage aussi, c'est que vraiment, toute cette solidité-là, la stabilité qu'on a vue, on la perçoit aussi, même dans les routes de campagne, où là, vraiment, c'est plus sinueux un peu, mais ça permet d'avoir vraiment une tenue de route exceptionnelle. Et parce que j'avais les suspensions adaptatives automatiquement, évidemment, il y avait à toute fin pratique aucun transfert de poids, même dans les versions les plus, je dirais, les plus musclées de ma conduite dynamique. C'est vraiment l'endroit où ça s'est comporté là, comme si j'étais sur l'autoroute tout le temps. Tu parles depuis tantôt de, tu sais, ça sera peut-être pas disponible ici. C'est qui décide? Est-ce que c'est Audi en Allemagne qui disent, bon, ben, on va vendre tel modèle au Canada puis en Amérique du Nord, ou c'est vraiment régional? C'est-tu Audi Canada qui décide ce qui importe, les options qu'ils vont offrir et tout ça? Ça va jusqu'à quel Oui, c'est Audi Canada ils ont ce qu'on appelle des directeurs de produits, là, ouais. des gestionnaires de produits locaux, qui, en fonction du marché, du marketing, vont déterminer. Tu sais, par exemple, si on prend l'exemple chez Mercedes, on va en parler tantôt, là, mais si on prend l'exemple chez Mercedes, chez nous, il y a certaines options qui sont standards et qui, en Europe, sont des options, là. Ouais, T'sais, par OK. exemple, chez nous, la C300 est informatique, mais en Europe, c'est optionnel. Alors, tu sais, c'est des choses comme ça. Donc, c'est des choses comme ça qui font que c'est choisi localement. Et évidemment, ça va avec le prix. Le prix, tu t'en doutes, on ne nous l'a pas dit. Un petit mot de quelque chose qu'on n'a pas parlé non plus. On parlait de puissance, là, pour ton information. C'est un 0-100 à 4,7 secondes. C'est quand même Fait bien. que ça a quand même du bon sens. Oh, c'est raisonnable. Ce dont on n'a pas parlé, c'est la finition intérieure de la S4. Ouais. Évidemment, on reprend le look de la A4, mais on y ajoute des cuirs Alcantara, par exemple, des sièges qui sont avec des coutures visibles, Donc, c'est vraiment quelque chose de très joli et c'est bien fait. Il y a des appliques d'aluminium aussi à l'intérieur et il y a bien sûr le fameux système MMI, qui est le Multimedia Interface, donc qui est l'espèce d'écran qui est logé au centre de la console centrale pour nous permettre de savoir, de contrôler toutes les informations de divertissement et de chauffage et tout ça. Mais il y a un autre élément qui s'appelle le cockpit virtuel. Cockpit virtuel, en fait, ce sont les cadrans qu'on a devant les yeux, comme on a dans tous les véhicules. Ben ça, chez Audi, ce n'est pas des vrais cadrans. C'est un espèce d'écran qui fait 12,3 pouces que l'on peut personnaliser comme on veut. On peut donc y afficher, par exemple, la carte de navigation pleine largeur. On peut décider de mettre un seul cadran, celui de la vitesse. On peut, et c'est vraiment haute définition. C'est super bien fait. Un petit peu compliqué à gérer en termes de gestion des options puis d'affichage. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça se fait relativement bien. Et honnêtement, c'est vraiment du plus bel effet, là. C'est vraiment de toute beauté. Donc, au bout de la ligne, c'est une belle voiture. Oh, écoute, y a deux, trois petits défauts, là, genre la molette pour l'interface, le MMI, est trop loin en avant, est en avant du levier de vitesse, c'est un peu fatigant. Le bouton de démarrage est aussi loin en avant, puis tu es obligé de te pencher vers l'avant pour le prendre. C'est pas nécessairement une bonne idée. Mais pour le reste, là, honnêtement, c'est une auto qui est difficile à prendre en défaut, puis c'est normal, là. C'est une auto qui est très solide. Le gros problème, ça, le gros bémol, ça va être le prix. Et ça, ben, on n'a aucune idée pour le moment. Alors, on va être obligé d'attendre un peu, mon cher. Bon, normalement, une A4, c'est atteignable pour le commun des mortels. Une S4, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit Oui, peu plus. effectivement. Puis, éventuellement, on va probablement nous arriver avec une RS4. Puis là, ben, évidemment, il y a juste toi qui vas pouvoir se la payer. Ouais, je penserais pas. On verra ça rendu là, mais c'est vraiment pas dans mon budget. Super, ben merci Marc. Fait qu'on va aller faire une petite pause, puis on va revenir avec ton essai de la Mercedes-Benz classe C. Cabrio 2017, puis moi je vais vous parler du Jeep Renegade 2016. Alors nous sommes de retour, Marc, comme on disait en partant de ma non-jalousie, tu es allé en Italie conduire des voitures, tu es allé aussi en Allemagne, tu es allé chez Mercedes-Benz essayer la classe C Cabrio 2017. Ouais, en fait, ça s'est fait en Italie. OK. C'est-à-dire que le voyage a duré quand même quelques jours. On va en parler. On a déjà parlé de la Audi S4. C'était la dernière portion du voyage. La toute première portion, je me suis rendu en Italie, à Trieste, au nord de l'Italie. C'est localisé quelque part entre la Croatie et la Slovénie. Ah, regarde, ça sert à ça voyager par faire mes cours de géographie, là. Ouais, c'est ça. Et Trieste, c'est une ville absolument magnifique. C'est une ville qui, si vous vous intéressez à l'histoire, est absolument phénoménal parce que c'est une ville qui a appartenu à toutes sortes de pays avant de finalement devenir totalement italienne. OK. Alors, c'est donc une ville qui est remplie de beaux édifices, d'architecture et tout. Et c'est là qu'on avait choisi de nous faire essayer la Mercedes Classe Cabriolet. Mercedes Classe Cabriolet 2017, qui elle aussi va arriver cet automne, à l'instar de d'autres modèles de la Classe C, parce qu'il faut se le rappeler, on a complètement redessiné la Classe C dans toutes ses gammes. On a testé la berline déjà il y a quelque temps. On avait parlé de la coupée il y a déjà près d'un an. J'avais eu l'occasion d'aller la tester en Europe aussi. Et là, on a essayé la classique Cabrio, qui était, comme si tu veux, la dernière vague de ce qui était à refaire pour Mercedes-Benz. Alors, c'est une Cabrio que j'adore. C'est une Cabrio qui est spacieuse. C'est une Cabrio qui est intéressante parce qu'elle a vraiment quatre places à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est rare qu'une cabrio de luxe ont réussi à faire quelque chose d'aussi bien fait. La beauté de la chose, avant de parler de la motorisation, avant de parler de tout le reste, on va parler du style, bien sûr. C'est une classe C avec ce que ça représente. L'avant un peu carré, l'espèce de gros logo Mercedes-Benz logé dans la grille. Tu sais, on est vraiment dans la famille de la classe C. Ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à créer une cabrio avec des gadgets qui, moi, m'interpellent beaucoup. D'une part, il y a la toile, le toit en toile que l'on peut fermer jusqu'à une vitesse de 50 km/h, Ah, ce c'est qui est quand même, intéressant. Ouais, ouais, c'est. c'est pas rien parce qu'on s'est fait attraper un petit peu par la pluie, puis on était content. Ouais, la dernière affaire que tu veux faire dans un cabriolet, c'est d'avoir à te tasser sur le bord du chemin pour fermer ton toit, parce que quand tu roules plus, ton char devient une piscine. Ouais, il y a ça. Tandis que quand tu roules, au moins l'eau rentre presque pas. Ben, il y a ça et on est allé beaucoup plus loin en fait avec ça. D'abord, la toile. C'est la toile optionnelle qui a trois épaisseurs. Ces trois épaisseurs-là permettent d'avoir un certain silence de roulement. fort intéressant parce que tu as l'impression vraiment d'être dans un coupé quand c'est fermé. Ça permet aussi, bon, une bonne isolation. C'est ce qui est intéressant surtout, c'est le air cap. Le air cap, qu'est-ce que c'est? C'est un petit volet qui s'ouvre, il est en haut du pare-brise à l'extérieur. Donc, quand tu as baissé le toit, tu appuies sur un bouton, ça s'ouvre et entre les deux sièges sort une espèce de grille. Ça élimine quasi complètement toutes les turbulences. OK, intéressant. Alors, ta mise en pli, donc, Luc, serait sécurité, en sécurité à l'intérieur de ça. Tu n'aurais pas de problème avec ça. J'en suis bien heureux, mais malheureusement, c'est pas dans mon budget cette voiture-là. Donc, Non. ma mise en pli sera défaite dans un cabriolet de moins dispendieux, mettons. C'est ça, plus abordable. Ouais, plus abordable. Mais il y a une autre affaire qui est intéressante qu'on avait utilisée dans la SLK et dans le SLC et qu'on ramène pour la première fois dans ce modèle-là, c'est le Air Scarf. Le Air Scarf, ce que c'est un petit jet d'air chaud qui est propulsé entre l'appuie-tête et le dossier dans le cou des occupants. Oui. Alors, tu t'en vas et tu as l'impression que tu as vraiment un foulard chauffant. C'est absolument génial, peu importe la température. Évidemment, là-bas, il faisait 27 degrés, c'était pas trop un gros problème. Mais je peux te dire que dans la SLK, par exemple, qu'on avait eu il y a quelque temps, mon épouse, il faisait 12 degrés dehors et mon épouse l'a utilisé avec le siège chauffant, puis pour elle, c'était comme le paradis, là. Ouais. Alors, c'est vraiment génial. Mais évidemment, je ne peux pas parler de la classe C Cabrio sans parler de la motorisation. Une motorisation qui est quand même intéressante. Il arrive en version de base avec un moteur 4 cylindres 2 litres turbo de 241 chevaux. Ouais. Mais il y a d'autres déclinaisons qui sont définitivement plus puissantes. Il y a par exemple une C43 qui arrive avec un V6 3 litres biturbo, 362 chevaux. À mon avis, c'est la plus équilibrée de toute la gamme. Elle est disponible avec une boîte automatique 9 vitesses, la 9G Tronic, qui est un peu moins performante, mais quand même qui est amplement suffisante pour les besoins de quelqu'un qui conduit une C43 AMG. Et tu as bien sûr les deux C63 AMG, la C63 traditionnelle et la C63S AMG, qui là, dans ce cas-ci, là, on parle vraiment de monstres qui vont de 469 et 503 chevaux. Là, on parle d'une boîte de vitesse 7 vitesses à changement extrêmement rapide. C'est vraiment là, on parle de bêtes de conduite incroyables. C'est pas un peu excessif pour un cabriolet. Il me semble que moi, cabriolet veut dire petite promenade tranquille sur des routes sinueuses l'été. 500 chevaux, il me semble, j'ai pas besoin de ça, mais. C'est pour ça que moi, je dirais que j'opterais pour la C43, Ouais. qui est à mon avis le plus bel équilibre. Avec 360 chevaux, c'est amplement suffisant. Et c'est vraiment, à mon avis, aussi celle qui, du point de vue économique, je te dirais, va être la plus intéressante. Bien sûr, il y a la C300, mais la C300, le moteur, comme sur la coupée d'ailleurs, est un peu poussif, là. On a l'impression que c'est un peu lent, puis on aimerait ça avoir un peu plus de puissance. On manque un peu de souffle. OK. Évidemment, comme dans toutes les voitures de luxe, on en a parlé pour la S4, c'est encore pareil. On peut changer les modes. Dans le cas de la C63 AMG S, je t'avoue que je me suis fait un grand plaisir de la mettre en mode Sport Plus parce que le son de l'échappement est absolument incroyable. Et on passait là-bas en Italie et en Slovénie parce qu'on a roulé dans les deux pays, là, à l'intérieur de tunnels. Et le son qui se réverbérait dans les tunnels, c'est absolument fabuleux, c'est incroyable. Alors ça, c'était vraiment le fun, mais évidemment, c'est peut-être un peu cher à payer pour du son, pour du son. Ouais, c'est ça, peut-être Pour que. le reste, ben écoute, c'est une classe C, on a repris l'intérieur de la classe C, qualité de finition impeccable, évidemment, rien à dire. Le problème, ça va être le prix, mais encore une fois, on ne le sait pas, on le saura uniquement quand viendra le temps d'aller plus loin. Ouais. Toi, mon cher, tu es allé plutôt dans l'utilitaire alors que tu as essayé le Jeep Renegade, à mon avis, qui a quand même une gueule incroyable, là. Oui, ben ça sort du lot, hein. On s'entend. Ce que je reproche peut-être un peu à tous les constructeurs présentement, c'est d'essayer de donner un look voiture à leur VUS, hein. On essaie que ça ait pas l'air trop camion, que ça a l'air plus voiture, fait qu'on adoucit les lignes, on arrondit un peu le tout. Puis ben présentement, ça se ressemble pas mal toutes. Le Renegade sort un peu du lot en étant une boîte quand même assez carrée, un look quand même assez spécial, quelque chose qui fait quand même tourner les têtes, là. Je l'ai eu pendant une semaine, puis rarement j'ai pas remarqué que quelqu'un se tournait la tête pour le regarder passer. Il y en a pas des tonnes sur la route, donc j'imagine que quand les gens en voient un, ça attire le regard. T'sais. Quand ça vient commun, t'sais, comme mettons un CX-3 de Mazda, que ça reprend pas mal les lignes d'un CX-5, fait que les gens vont le voir, ouais, savent que c'est un Mazda, mais t'sais, regarde pas nécessairement plus que ça, parce que oui, il est beau, mais ça se fond un peu dans le décor. Tandis qu'un Renegade, ça sort du lot vraiment. Surtout si vous le prenez couleur orange ou quelque chose comme ça. Le mien était bleu foncé. C'est un peu moins tape à l'œil, là, mais si vous prenez ça orange, là, vous allez peut-être attirer un peu l'œil. T'as pas pris le beau bleu? T'avais pas le beau bleu, là? Foncé, presque mauve, là. Non, non, non, mais t'avais pas. Ils en ont sorti un bleu Lego, là, quasiment, Ouais. là. Non, sur la flotte de presse, ils ont le bleu, un bleu mauvais. C'est un modèle North, fait que c'est pas le modèle avec les panneaux de toit qui s'enlèvent. C'est un peu. L'intérieur est joli, là, mais tu sais. Moi, tant qu'à aller au Jeep Renegade, j'irais vraiment à fond avec les panneaux de toit qui s'enlèvent, puis pouvoir faire quasiment un convertible avec ça. Moi, c'est vers ça que j'irais. Mais l'intérieur est quand même bien. Le plafond est extrêmement haut. Fait que même une personne vraiment grande ne se tapera pas la tête dans le plafond là, pour embarquer dans cette voiture-là. Il y a vraiment beaucoup de place. On reconnaît un peu l'idée de la plateforme de la Fiat 500C. Pas la Fiat 500C, la Fiat 500 XL, la grosse Fiat, qui était vraiment spacieuse en dedans. La Puis L. la L, la 500L, C'est hey, celle que je conduis cette semaine, mon cher. c'est ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup de place. J'aimais beaucoup la visibilité dans cette voiture-là parce que le pare-brise est grand, la fenestration est bien, vraiment abondante. On retrouve un peu ça dans le Renegade parce que c'est bâti sur la même plateforme. On a vraiment donné un beau look à l'intérieur aussi, bien fini. Moi, j'avais pas la version la plus haut de gamme, donc j'avais un petit écran pour utiliser Uconnect. Ça fonctionne très bien, Uconnect, un des meilleurs systèmes sur le marché. Mais comme j'avais dit dans mon essai du Durango, avec un écran plus grand, c'est plus facile, c'est plus convivial. Mais fait que ça fonctionne bien quand même. Puis j'aime beaucoup le volant de Chrysler avec la disposition des boutons. Un coup qu'on est habitué, ça se contrôle tellement bien. Le volume est au bout des doigts. C'est changer de chanson ou changer de canal, ça c'est sur le bout des doigts sur l'autre, mais la main gauche, ça fonctionne vraiment super bien. Côté confort, c'est confortable, ça brasse un peu plus que peut-être un petit VUS compact normal, c'est comme peut-être un CX-3, peut-être plus confortable. Un Renegade, c'est un peu plus dur comme suspension, mais c'est un véhicule qui a des capacités hors route véritables. C'est un vrai Jeep, là. Moi, j'avais la version 4x4, donc c'est un Jeep, j'aurais pu sortir des sentiers battus, puis aller faire un tour dans le bois, puis il se serait pas senti perdu, là, un peu comme un VUS plus de ville le serait. Donc la suspension est un peu plus dure, c'est moins moelleux et confortable, mais c'est pas inconfortable. Ben, moi, je l'ai essayé un peu en route parce qu'on avait fait un comparo l'année passée avec ça. Et honnêtement, il est surprenant, là. Il y a effectivement une bonne partie des capacités du Jeep. C'est ça, c'est vraiment. Regardez-le pas comme un bébé Jeep, c'est vraiment un Jeep. Il est capable de faire des choses que des VUS plus familiaux ou de ville seront peut-être pas capables de faire. Donc, c'est un beau véhicule, c'est un véhicule que j'ai bien apprécié. Puissance du moteur, c'est correct, là, c'est pas une bombe, mais ça fait ce que ça a à faire. Il y a deux moteurs disponibles, deux 4 cylindres, un petit 4 cylindres turbo, 1,4 litres. Qui donne 170 chevaux, 250 livres-pieds de couple. Puis on a un moteur un peu plus puissant, le Tiger Shark 2,4 litres, un autre 4 cylindres là, qui est 187 chevaux, 236 livres-pieds de couple. Il est disponible dans différentes versions. Il y a plusieurs versions, là. La version de base, c'est la version sport. Ça commence à 21 495 $. Puis Ah, on moi, ce qui me monte. tue, c'est la dernière à 40 000 $. Ça, Ouais, je trouve ça un peu abusif, là. la Limited, là, en 4x4, ça commence à être dispendieux pour un véhicule de cette taille-là, mais tu sais, ça a des capacités quand même plus élevées de hors-route que des véhicules normaux. Fait que je peux voir un peu le premium demandé. Puis le nom Jeep, c'est un nom mythique quand même, là, fait qu'il y a probablement une raison pourquoi le prix est élevé. Mais c'est un bon petit véhicule, c'est quand même confortable. J'ai trouvé correct. Au début de la semaine, j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un peu de puissance et tout ça, mais à force de le conduire, je me suis dit, ben non, tu sais, ça va bien, j'ai pas de problème de faire des dépassements et tout ça. Je pense que c'est un bon petit produit. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'hésiterai pas nécessairement. Allez l'essayer, par exemple, parce que c'est, comme je vous dis, ça porte un petit peu plus dur qu'un peut-être un CX-3 ou un HR-V, où la suspension devrait être un petit peu plus molle, un petit peu plus confortable aussi, là. Mais autrement, je veux dire, c'est un très bon véhicule. Le coffre est quand même pas énorme, mais assez grand pour une épicerie normale. Puis on peut descendre les bancs si on veut aller faire des activités comme du camping, des choses comme ça. Il y a de la place suffisante pour tout le monde. C'est un bon petit véhicule. Si ça vous intéresse, allez le voir. J'ai pas été déçu du tout. Ça a été une belle semaine. Mais j'ai été déçu à une place. Voiture de presse, je me serais attendu à avoir les panneaux de toit amovibles. J'aurais aimé ça. Normalement, on a toujours les versions, tu sais, les plus élevées. Fait que je m'attendais à avoir une Limited ou une édition 75e anniversaire. Je me serais attendu à avoir les panneaux de toit amovibles. J'aurais été me promener la fin de semaine avec le toit enlevé, mais non. Donc, j'ai pas pu le faire. Mais pour le reste, c'est un bon petit véhicule. J'ai bien apprécié. Tant mieux, Donc, mon cher. ouais. Donc, Marc, on va faire une petite pause encore une fois, puis on va revenir. Tu vas nous parler du plan d'électrification de la flotte de Mercedes-Benz. Exactement, mon cher. Alors, mon cher Luc, si tu n'y vois pas d'objection, je vais un petit peu prendre les devants ce coup-ci parce que j'ai besoin d'un peu de place pour expliquer un programme qui est assez compliqué. C'est celui de l'électrification, de toute la stratégie d'électrification des transports selon Mercedes-Benz. On en a parlé, on en parle depuis tout à l'heure. Je suis allé en Europe la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'essayer une Audi, essayer une Mercedes en Italie. Mais entre les deux, on s'est retrouvé à Stuttgart, au siège social en fait de Mercedes-Benz, pas très loin. Et là, on nous a présenté à l'intérieur d'une journée d'explication complète ce qu'était le plan d'électrification des véhicules selon Mercedes-Benz. Rapidement expliqué, c'est pas compliqué, toute la gamme de véhicules Mercedes va toucher à l'électrification dans un mode ou dans l'autre. On ne parle pas ici nécessairement de 100% électrique, mais de véhicules qui pourraient, par exemple, être disponibles dans d'autres technologies. Une des technologies les plus surprenantes, c'est probablement celle de la fuel cell, de la pile à combustible, donc d'un véhicule qui serait propulsé à l'hydrogène. Dans le cas qui nous préoccupe, on parle d'un GLC, donc un des utilitaires sport de Mercedes-Benz, que l'on a converti à l'hydrogène et qui va être commercialisé d'ici quelques mois, quelques années plus probablement, surtout en Europe. Il faut dire que l'Allemagne a un plan extrêmement agressif de développement des bornes de recharge d'hydrogène, donc ça devrait aussi contribuer à son succès. Pour le moment, cependant, le fameux GLC à hydrogène n'est pas prévu pour arriver au Canada. En fait, bien sûr, l'infrastructure pour le moment est absente. Ce qui est particulier aussi, c'est que non seulement on parle d'un véhicule à hydrogène, mais ce serait un véhicule hybride, donc un véhicule qui serait aussi une capacité branchable fonctionnant à l'électricité traditionnelle. Donc vraiment un véhicule 100% zéro émission. Évidemment, ça fait partie des nouveautés qu'on nous a présentées là-bas. Il y en a quand même d'autres parce que ce qui est intéressant de constater, c'est que toute la stratégie je dirais, d'électrification et de conduite propre des Mercedes-Benz n'est pas basée uniquement sur des véhicules électriques, mais bien sur un ensemble de facteurs et toutes les technologies, incluant les moteurs diesel, incluant les moteurs à combustion, sont aussi à l'étude à l'intérieur de ça. Pourquoi? Mais parce que selon les dirigeants de Mercedes-Benz, ne rêvaient pas que l'essence et le diesel disparaissent. D'après eux, tout ça, c'est encore là pour plusieurs décennies. Et là, j'insiste sur le mot décennie. Donc, c'est encore là pour 30 ou 40 ans au minimum, selon les gens de Mercedes-Benz. Alors, évidemment, il faut en tenir compte. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Par exemple, on a modifié notamment des filtres à particules qui sont de plus en plus performants sur les véhicules diesel. Donc, ça va permettre ça permet déjà d'améliorer la capacité, si tu veux, de récupération des particules et donc de diminuer les émissions polluantes. La particularité dans le programme Mercedes-Benz, c'est qu'on va notamment utiliser ces filtres à particules-là, qui sont relativement propres, pour les appliquer aussi aux modèles à essence. On dit que les modèles à essence respectent déjà les normes européennes pour 2017, donc des normes plus strictes en termes de protection de l'environnement et d'émissions polluantes, mais avec les fameux filtres à particules supplémentaires, bon, on va encore améliorer ça, ce qui placerait Mercedes, semble-t-il, parmi les dominants ou les leaders dans ce domaine-là. Autre détail intéressant, c'est ce qu'on appelle la stratégie 48 volts. Qu'est-ce que c'est 48 volts? Ben, vous le savez, dans une voiture traditionnellement, il y a une batterie de 12 volts qui est assez standard, qui vous permet d'activer les composantes, là, la radio, démarreur, des trucs comme ça. Donc, c'est ce qui fonctionne. 12 volts, c'est la batterie carrée que l'on retrouve traditionnellement sous le capot de nos véhicules. Inversement, dans le cas des voitures hybrides, par exemple, on parle de véhicules qui ont des centaines de volts, donc à très très haut voltage, pour alimenter les moteurs électriques et les batteries de grande capacité qui sont avec. Ça vient avec la technologie. Or, Mercedes-Benz a essayé de trouver un moyen terme. Le moyen terme, c'est un système électrique de 48 volts qui, selon eux, représente un juste milieu. Pourquoi 48 volts? Ben, d'une part, il faut préciser que c'est à partir de 60 volts qu'on est obligé d'avoir des normes de sécurité supplémentaires, transmission, au niveau de la transmission électrique, là, les câbles particuliers, des systèmes particuliers. Donc, évidemment, il y a des coûts de développement et d'implantation qui sont beaucoup plus élevés et qui, évidemment, ne trouvent pas intérêt. Ça ne justifie pas la dépense supplémentaire par rapport à ce que le 48 volts peut amener. Par contre, le 48 volts, ce qui est intéressant, c'est qu'en implantant ce système-là, on permet à la voiture, à une voiture à essence ordinaire, d'utiliser un système de freinage qui va régénérer l'énergie, exactement comme le fait un véhicule hybride. On a bien sûr une batterie. Et on modifie aussi le démarreur. On installe un démarreur beaucoup plus puissant qui est capable, si tu veux, de fournir une espèce de propulsion électrique à très basse vitesse. Ça devient donc un véhicule hybride léger qui demande quelques modifications, la batterie évidemment, un module de contrôle et une transmission modifiée, mais on est capable de le faire une fois que le véhicule a déjà été construit, c'est pas obligé d'être fait avant. Donc, ça permet d'améliorer considérablement les conséquences et les émissions polluantes. Et ça permet, entre autres, d'éteindre le moteur thermique quand on décélère, ce qu'on appelle le fameux cruising, là. Donc, on est en freewheel, on se fie uniquement sur le moteur électrique pour garder une partie de l'élan, ce qui permet de diminuer considérablement la consommation et du même souffle, ça diminue aussi considérablement les émissions polluantes qui y sont liées. Enfin, dernier détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé aussi quand même des véhicules hybrides. On aura par exemple au Canada la S550E, une autonomie de 50 km en mode 100% électrique, hybride rechargeable. J'aurai d'ailleurs l'occasion de l'essayer au cours de l'été. On pourra en parler davantage, mais bien sûr, il y aura d'autres véhicules hybrides, le GLC, GLE, entre autres, qui le sont. La nouveauté aussi, elle est au niveau des véhicules 100% électriques. Pourquoi? Mais parce qu'on va nous présenter en septembre, lors du Mondial de l'Auto à Paris, quatre nouveaux véhicules complètement électriques, dont la Smart de quatrième génération électrique. On sait, on l'a déjà ici, mais là, on a un prototype là-bas, donc qui améliore l'autonomie, qui améliore aussi le confort. Bon, évidemment, on n'a pas voulu nous donner les détails parce qu'on ne voulait pas vendre le punch avant le salon de Paris. Mais ce qu'on a appris, par contre, c'est que Mercedes a réussi à développer un système d'emballage, si on veut, des batteries extrêmement sophistiqué qui se fait comme dans une plateforme, un peu comme si on était sur une planche à roulettes qu'on avait garnie de différentes batteries. On peut d'ailleurs utiliser les batteries de différents modèles et de différentes puissances pour les mettre à l'intérieur. Ultimement, ce qu'on veut en faire, en fait, c'est un véhicule électrique avec une autonomie de 500 km avec une pleine charge de batterie. C'est énorme. Ça concurrence les meilleurs du moins en termes d'autonomie, que sont la Tesla Model S actuellement. On ne parle pas de prix, bien sûr. On a même refusé de nous dire à quoi elle ressemblerait et dans quel format elle pourrait être. Parce qu'elle sera donc dévoilée à Paris. Sauf que moi, j'ai posé la question parce que je me disais 500 km, c'est bien, mais ça fait un véhicule qui est dispendieux, ça fait un véhicule qui est très cher, ça fait un véhicule qui conteste la modèle S de Tesla, c'est vrai, mais qui n'est pas encore abordable. Or, on le sait, Chevrolet notamment, même Tesla arrive avec des modèles qui sont pour 300-320 km d'autonomie. Alors, la réponse de Mercedes, elle est très simple. On dit, écoutez, voyez le châssis, voyez les blocs qui sont là dans lesquels on a inséré toutes les batteries. D'ailleurs, si vous allez sur Écolo Auto, vous allez voir là, une des photos de ce bloc-là avec un texte complet là-dessus. Et ce qu'on dit, c'est que ben, si on veut avoir quelque chose de moins, je dirais, moins autonome, on enlève tout simplement un certain nombre de batteries, ce qui allège le système, mais qui permet aussi de diminuer à la fois l'autonomie et à la fois le prix. Ce qui est quand même pas négligeable. Bref, ça veut donc dire qu'on est capable d'avoir une espèce de plateforme modulaire que l'on peut, en fonction du prix et du nombre de batteries, appliquer à différents types de voitures. Et on nous a dit, l'ingénieur qui était en place a refusé de nous donner des détails, mais nous a dit que la carrosserie de la voiture qui allait par-dessus était au moins aussi spectaculaire que la technologie qu'on retrouverait à l'intérieur. Alors évidemment, c'est donc extrêmement prometteur. Alors ça, c'est le plan général de Mercedes-Benz pour l'année. Comme on le voit, ça touche à, pas pour l'année, mais pour l'avenir. Ça touche à la fois la technologie électrique, la technologie diesel, la technologie hybride. Donc, c'est vraiment un plan assez large. Et monsieur Thomas Weber, le professeur Thomas Weber, qui est le responsable pour Mercedes-Benz au niveau du conseil d'administration de tout ce qui est recherche et développement, comparait un peu tout ça à l'Euro, la fameuse série de soccer. Et il nous disait, ben vous savez, on ne sait pas exactement quand le match va commencer, parce qu'on sait que tout le monde travaille fort pour essayer de faire des voitures électriques ou des voitures à faible émission polluante, mais on ne sait pas exactement quand tout le monde va être prêt et quand vraiment ça va commencer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, nos joueurs vont être sur le terrain et qu'on sera là pour gagner. Je pense que le plan d'électrification de Mercedes-Benz est effectivement assez complet et permet d'entrevoir, en tout cas, sinon une victoire, à tout le moins une très, très bonne présence de Mercedes dans tous les domaines de la technologie. D'ailleurs, et là, Luc, je vais me permettre de prendre les 2 dernières minutes pour te faire baver d'envie un peu, parce que non seulement j'ai eu l'occasion d'assister à cette journée-là, mais j'ai aussi eu l'occasion d'essayer quelques-unes des voitures, notamment la classe S550E. En mode électrique. Évidemment, c'est déjà une voiture qui est très, très douce et qui l'est encore plus en mode électrique. J'ai essayé le GLE, GLC. J'ai essayé une petite Smart électrique avec la définition Brabus. Mais celle qui va vraiment te faire baver dans la vie, mon cher Luc, c'est plutôt celle dans laquelle je me suis assis. J'ai pas eu l'occasion de la conduire, il faut le préciser, parce que c'est une voiture qui est assez exceptionnelle, qui est en nombre très limité et c'est la seule qui était disponible chez Mercedes. C'est que j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans la SLS totalement électrique, 4 moteurs électriques qui propulsent la voiture à une vitesse absolument fabuleuse. Et comme tu le sais, la motorisation électrique a tendance à donner du couple immédiatement dès qu'on accélère. Alors mon chauffeur a été assez aimable pour me montrer les capacités, si tu veux, de cette voiture-là. Ça a été totalement spectaculaire. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait là toutes sortes de choses, entre autres un camion Fuso qui est aussi électrique. Alors, on avait vraiment plein de véhicules là-bas. C'est vraiment un plan extrêmement complet que Mercedes-Benz a dévoilé. Un plan qui, chez nous, va s'appliquer tranquillement. Je l'ai dit, le gros de ce qui s'en vient sera évidemment des véhicules 100% électriques, ce qu'on va annoncer à Paris. Moi, j'aurais bien aimé avoir une confirmation que Mercedes-Benz va s'impliquer chez nous dans le développement des ressources à hydrogène, comme ils le font en Europe. D'ailleurs, là-bas, c'est un partenariat. Mais malheureusement, pour le moment, on n'est pas rendu là. Bref, c'est vraiment un plan stratégique intéressant qu'on va devoir suivre. Et honnêtement, c'est un des plans les plus réalistes que j'ai vu depuis longtemps par rapport à ce que les autres ont promis. Là, on nous dit, écoutez, toutes les technologies sont là, on les étudie tout au complet. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre de passer au travers. Alors là, qu'on fait une petite pause et après la pause, on revient, mais on va parler d'actualité automobile. Alors, nous sommes de retour, Marc, après ton exposé sur les nouvelles technologies de Mercedes-Benz dans l'électrification de leur flotte. Ça va sortir comme il faut à un moment donné. On va faire nos nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'automobile cette semaine? Ouais, écoute, je ne voulais pas te mettre à l'écart, mais évidemment, c'est un dossier. Tu comprendras que tout le dossier électrique avec Mercedes, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai comme essayé de ramasser ça en 12 minutes. J'espère que les explications étaient claires. En tout cas, si jamais vous avez des questions, à la fin de l'émission, Luc va vous donner toutes les informations pour nous rejoindre ou pour me chicaner le cas échéant. Exactement. Il n'y a pas de problème. En termes de nouvelles, il y a des affaires quand même intéressantes. Quelque chose qui a attiré mon attention parce que je trouve toujours ça drôle, les technologies, que, le genre en fait, de répondre à une question que personne n'a jamais posée. Le GMC Acadia 2017 arrive maintenant avec un système qui t'oblige à regarder sur le siège en arrière. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'aux États-Unis et beaucoup, il y a beaucoup d'enfants qui sont laissés dans les voitures, soit qui ont des coups de chaleur, ou même un chien ou quelque chose comme ça, qui ont un coup de chaleur, parce que les gens les ont tout simplement oubliés dans la voiture. Alors là, ils ont mis en place un système que quand tu rentres dans la voiture, si dans les 10 minutes qui suivent, avant ton départ, les portes arrière s'ouvrent et se referment, ça va activer le système. Quand tu vas partir, tu vas rouler, tu vas arriver au bureau, quand tu vas débarquer, tu vas avoir une alerte qui va t'indiquer, hey, t'as-tu regardé sur le siège en arrière? T'as visé que t'as peut-être, parce que les portes arrière ont été ouvertes et fermées, t'as peut-être oublié quelqu'un ou quelque chose. Évidemment, on estime que c'est souvent des enfants ou des animaux, mais on précise aussi que c'est souvent des objets qu'on a décidé qu'on a laissés là, et plutôt que des lessives là, justement, et de se les faire voler. Mais on choisit de les ramener. Donc, l'avertissement est disponible maintenant sur le GMC Acadia 2017. Quelque chose quand même d'intéressant. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué comme système, mais je trouve ça quand même intéressant parce que oui, des fois, tu laisses ton portable, tu l'oublies, tu rentres dans le magasin, tu reviens et la fenêtre est défoncée, le portable est parti. Mais tu sais, il me semble peut-être un système de détection de poids sur le siège, on ferait, serait peut-être moins compliqué. On le fait déjà pour désactiver des coussins gonflables en l'avant. Peut-être un système comme ça aurait été peut-être moins compliqué. Je suis d'accord avec toi, c'est exactement mon point. OK. C'est que je trouve qu'on a fait quelque chose là qui était, tu sais, c'est compliqué là, 10 minutes, puis si la porte ouvre, alors que regarde, on pourrait tout simplement dire, il y a quelque chose sur le siège, hey le gars, il y a quelque Ouais, chose sur le siège. c'est ça. Mais bon, en tout cas, regarde, c'est sûr que les autres, leur argument, c'est oui, mais ça se peut être que ce soit quelque chose que tu as déjà laissé là, donc, tu sais, par exemple, un siège de bébé qui est là en permanence. En tout Ouais, cas, bref. mais en tout cas, ouais, c'est C'est pas ça, grave. c'est un fait. L'idée, la volonté était bonne, Ouais, disons. l'idée est bonne, puis c'est l'exécution aurait peut-être été plus différente. Mais peut-être qu'une autre compagnie va voir ça, un autre constructeur va voir ça, puis ils vont faire un système différent, puis nous enverront une ristourne sur l'idée qu'on vient de leur donner aussi, on Ouais, verra. exactement, c'est ça. Nous, on est bon. Mais je pense pas. J'espère que tu n'attends pas après ça payer tes vacances parce que d'après moi, la ristourne risque de se faire Ouais, il attendre. y a beaucoup de choses après quoi j'attends pas pour payer mes vacances. Un petit clin d'œil aux voitures compactes. L'IIHS a émis au cours des dernières semaines sa liste de voitures compactes les plus sécuritaires. On rappelle que l'IIHS, c'est le Insurance Institute for Highway Safety aux États-Unis. Ouais. Mon Dieu, je l'ai dit du premier coup, Hey, sans trop parler. t'es-tu correct? Ouais. Écoute, je vais m'en remettre OK. là. Alors, c'est l'idée, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils évaluent des tests de collision, tests de collision frontale, latérale, arrière. Ils évaluent aussi des tests de renversement. Donc, est-ce que le toit résiste quand la voiture bascule? Et ils évaluent maintenant le test de collision partielle, c'est-à-dire c'est un peu comme si tu t'en allais puis tu frappais à 25% là, un poteau ou une autre voiture. Donc, c'est En diagonale qui parle, OK, ou juste non, rentrer dedans, OK, de mais face, mais juste une partielle. OK, c'est C'est bon. pas dans le milieu, là, un petit peu décalé. OK. Et donc, à partir de là, on donne des cotes. On évalue ensuite la capacité des systèmes de retenue, ceinture, la façon dont les appuie-têtes réagissent et tout ça. Et on va donner une note supplémentaire. C'est-à-dire que tu ne perdras pas de points si tu n'en as pas, mais si tu as des systèmes supplémentaires, comme l'avertissement de collision latérale, l'avertissement de collision frontale, des trucs comme ça, bien évidemment, tu as des points supplémentaires. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça donne un classement qui est ce qu'on appelle le top safety pick et le top safety pick plus. C'est le top safety pick plus qui concerne les voitures qui ont des systèmes souvent optionnels de détection de collision. Alors, au niveau des compacts, on le sait, c'est extrêmement populaire. Alors, les grands gagnants, ce sont les Honda Civic, autant en version coupée qu'en version berline, qui ont reçu la plus haute distinction. Même chose du côté des Subaru Crosstrek et Impreza. Même chose du côté de la Toyota Prius, Acura ILX, Nissan Sentra, les Volkswagen Golf et GTI, ainsi que les Mazda 3, tant en berline qu'en hayon. OK, ben c'est bon. C'est quand même des constructeurs t'sais, qui sont généralistes, là, fait que des voitures qu'à peu près tout le monde peut se payer, c'est bien. C'est une bonne chose. Oui, effectivement. Puis ce qui est intéressant aussi, si vous faites c'est que là-dedans, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on évalue aussi la qualité du système latch. Le système latch, là, c'est le fameux système qui permet d'accrocher un siège de bébé. Ouais, qui est jamais vraiment facile à faire, mais un coup c'est C'est ça. fait, c'est quand même Mais assez solide, ouais. c'est ça. Mais là, il évalue la facilité et la capacité. OK, c'est bien. Luc, en fin de semaine, tu sais, c'est la fête des pères. Bien J'espère que sûr. tu m'as fait un cadeau. T'es pas mon père, donc non, j'ai pas vraiment pensé, là, mais t'es peut-être un père spirituel, je verrai. C'est ce que j'étais pour dire, là, moi qui OK. pensais qu'il était modèle pour toi. En tout cas, bref, si jamais ça te tente, Lego vient de sortir une voiture, une reproduction de la Beetle classique. Vraiment une voiture absolument magnifique. On avait fait déjà la Mini Cooper il y a quelques temps, on avait fait d'autres voitures, mais là, la série Creator vient de faire la Volkswagen classique, la F40, et ils ont fait la Volkswagen Westphalia. Vraiment, tout est conforme à la réalité. On a même une planche de surf et une glacière sur le toit, un petit kit de système à pique-nique au côté. C'est vraiment génial. Elle fait 10 pouces de longueur, 5 pouces de hauteur. C'est pas très haut. Par contre, c'est 129,99 $. Ouais, c'est un peu mon problème avec les Legos. On dirait que c'est fait en matière vraiment, vraiment rare, là, tu sais. Genre un matériel qu'il faut aller chercher sur Mars, puis qu'on ramène, puis qu'après ça, ça prend 4 ans à processer pour faire un bloc Lego, puis après ça, on vend ça. Mais C'est... j'ai l'impression que c'est le problème aussi, c'est qu'ils ont dû payer des droits un peu Ouais, abusifs j'imagine aussi, ouais. sur la voiture, sur le droit de reproduction de la voiture. Alors évidemment, ça joue aussi considérablement sur la chose. Ouais. Quelques petites nouvelles de nature un peu plus écologique. On avait déjà parlé de la Nikola Motor. La Nikola Motor, c'est une compagnie américaine qui a décidé de lancer ses propres véhicules électriques, mais on ne vise pas nécessairement le marché des berlines pour le moment. On vise plutôt le marché des gros camions. OK. Et on a sorti le Nikola One. Il faut rappeler là, que Nikola, c'est le prénom de Nikola Tesla. Hein. C'est ça, je me disais, ça a l'air d'une compagnie qui veut faire compétition avec Tesla. Vous avez pris le nom de famille, on va prendre le prénom, nous autres. Ouais, c'est un peu ça, mais en même temps, parce qu'ils jouent dans l'électricité aussi, Ouais. donc c'était un peu prévisible. Mais ils ont quand même créé un camion, un vrai gros camion, là. On parle là, les fameux les vannes là, qui transportent OK, les un genre de marchandises. Freightliner ou un Ouais, Peterbilt, des choses comme exactement. ça. OK, Mais ouais. là, on parle du Nikola One, équipé d'une économie d'une batterie de 320 km, de kilowatt-heure pour 1 500 km d'autonomie, parce qu'on y a greffé aussi un prolongateur au gaz naturel. Un peu comme la Volt, là, mais en version gaz naturel. OK. Écoute, quand ils ont sorti ça au début de l'année, tout le monde a fait ha, c'est une blague, c'est une blague. Mais écoute, on vit actuellement le syndrome Tesla avec ce camion-là, puisqu'on a lancé les précommandes et on a obtenu 7 000 précommandes pour le véhicule. Là, on s'entend qu'on ne parle pas d'un véhicule de 30 000 $, là. Non, non, non. Véhicule de plusieurs centaines de milliers de dollars. 7 000 précommandes pour un catalogue de vente de 2,3 milliards de dollars. Ouais, ben, le prix de l'essence pour faire travailler un camion comme ça, c'est faramineux, c'est incroyable. Fait que si tu l'as en électricité, puis oui, le gaz naturel est peut-être moins cher aussi que même que le diesel et tout ça, à un moment donné, si tu fais beaucoup, beaucoup de kilométrage, c'est un investissement, c'est pas nécessairement une dépense à se rendre à ce point-là, là. Fait que c'est Non, intéressant comme non, c'est système, là, ça. mais. C'est ça. Et on va voir effectivement. On dit que le premier véritable prototype, parce qu'actuellement, là, on a fait juste montrer un dessin. Le premier prototype va être présenté au cours du mois de décembre. Alors évidemment, là, on n'est pas là encore. On a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, mais c'est intéressant quand même. Oh, ouais, c'est quand même Parce intéressant, surtout. qu'on sait que ce domaine-là est extrêmement polluant. Donc, si on est capable de dépolluer le transport de marchandises, c'est déjà Ben, une bonne écoute. chose, hein. Moi, à mon avis, je pense que c'est la solution. Là, il va falloir à un moment donné. Je ne pense pas que le transport individuel soit Non, non, le non. seul endroit où il faut absolument corriger des choses. Je pense qu'il faut vraiment faire un effort autrement. Mais bon, évidemment, c'est mon opinion à moi. Non, je la partage pour ça. Ça, je veux dire, faut qu'on fasse des changements partout, pas juste à une place. C'est ça. C'est pas juste les véhicules particuliers qui sont les plus polluants. Les véhicules commerciaux comme ça, c'est assez incroyable aussi, là. C'est ça. Alors là, enfin, en terminant, un dernier petit détail, dernière nouvelle, je t'annonce une triste nouvelle. Bon. Notre métier de chroniqueur automobile achève, puisque selon une étude qui a été publiée aux États-Unis par la firme IHS, il y aura 21 millions de voitures autonomes sur les routes du monde entier à partir de 2035. Wow, ça fait quand même un petit bout. Hein. Ça fait un petit bout. Puis ce qui est particulier, c'est que quand on a commencé les voitures autonomes, on disait, ouf, il va en avoir quelques-unes. Et là, on est rendu à 21 millions. Là, c'est une progression qui a quintuplé depuis les dernières prévisions. On dit que d'ici, il y en aura quelques dizaines de milliers en 2020, puis on verra pour le reste. Mais évidemment, il faut préciser que ce sont des voitures autonomes et semi-autonomes. Et ça, les semi-autonomes, ben, elles sont déjà en vente, là. C'est les systèmes avec les régulateurs de vitesse intelligents et tout ça. Donc, alors voilà, mon cher, je t'apprends que comme quelqu'un automobile, tu auras le temps de prendre ta retraite, mais tu vas être juste. OK, moi je vais planifier mes affaires pour que ça arrive pas mal dans ce coin-là. Bon, ben c'est quand même pas spé. Donc, Marc, ça va terminer pour cette semaine. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben écoute, sur Facebook, Marc Bouchard, évidemment. Sinon, ils peuvent me suivre sur les sites de Netmédia 360, là, écoloauto.com, luxurycarmagazine.com, autoféminin.com, VUSMag aussi. Et bien entendu, Twitter, Marc souligné Bouchard. Au pire, ils peuvent même m'envoyer un courriel à auto, AUTOS, à commercial, cgocable.ca. Mais j'aimerais mieux que vous passiez par l'adresse courriel de Ça roule Radio, que Luc vous donne à l'instant. info@saroulradio.com. Donc, moi et Marc recevons les courriels qui rentrent là. Ça serait l'adresse courriel favorite pour nous rejoindre. Moi, sur Twitter, c'est Scalazormo. On a une page Facebook, hein, Ça roule radio. Vous pouvez aller nous écrire là aussi. On répond quand même assez rapidement. Selon les statistiques Facebook, on est pas pire. C'est peut-être pas bon partout, mais pour ça, on est bon. Et puis ça, on est sur iTunes, on est sur Google Play aussi. On est diffusé sur Radio Highway, Radio H2O. Juste vite, vite, vite comme ça, on est supposé faire une émission live devant public au mois de novembre. Je vous en donnerai un peu plus de détails un week-end de novembre. Donc, je vous invite à peut-être mettre ça sur votre calendrier. Venez nous serrer la pince. On va faire une émission devant public si ça fit dans l'horaire de Marc. Moi, je vais essayer de le faire même si Marc ne peut pas être là parce que bon, j'ai comme dit que j'irais. Et puis, donc, c'est ça. Et puis, ça fait pas mal le tour. Si vous voulez me lire aussi, ben, j'ai le blog automobile de Kijiji, fr, kijijiblog.ca, puis dans la section véhicules. Puis, ça fait pas mal le tour. Donc, Marc, je te remercie encore une fois pour être avec moi cette semaine. Merci à toi, puis on va être de retour dès la semaine prochaine, mon cher. Oui, moi, je vais vous parler de la Hyundai Sonata hybride rechargeable la semaine prochaine. Je suis au volant de ça cette semaine et je dois avouer être assez impressionné. Je vous donnerai plus de détails la semaine prochaine. Bon, là-dessus, bye.